la mini, oui la mini et la manie. Et la manie de Mélanie, Mélanie l'amie d'Amélie. Amélie dans les doux nénés de nounou moulés. Dans deux molles laine lamée ou mêlée de lin milané. Amélie dont les nénés doux ont donné à l'ami Milou. Milou le dad et de Limoux, l'idée d'amener des minous. Des minous menus de Lima, miolant en des deux damas. Et dans les mines de Lama, dont Émilie des Aléda. Dont les dix dents de lait, la mine et les mâles mollets. D'un malade mendiant malais, dînant d'amib, ami donné. Mais même ami donné l'amib, même l'amib malhabile. En mielé dans la bile humide, l'amib ami mine le bide. Et le dit malade adulé, dont les dalim et les mollets. Indûment le mal a donné, dame, l'éda l'y a aidé. Et l'éda dont la libido demande dans le bas du dos. Mille lents mimi d'animaux, au dominé donna les mots. De Montmuni, mendiant de midi à minuit. Du Léonéné d'Amélie, l'on les maudit d'ami banduit. Et la maladie, la minée, la mélie au dos du néné. Et mille mots des modelés, le doux minois de la mémé. Mélanie, la mi au dodo, malade, lait du mi-dodo. Et lui donna dans deux doigts d'eau de la boue des bains du lido. Dis, là-dedans, où est la mini? Où est la mini de Mélanie? Malin, la mini est limée, Mélanie l'a éliminée. Ah la la la la, quelle mélie mélodie. Ah la la la la, quelle mélie mélodie. Quelle mélie mélodie. Ah la la la la, quelle mélie mélodie.